daronne voulait plus s'arrêter de répleu. Et le daron, toi-même tu sais qu'il parle jamais depuis qu'on est type peu. Mais là le seum me regarde du coin de l'œil même quand il lasse ses chaussures. Je rentre plus trop tard, sors tôt, fais la boule. Rien que j'ai la popo sur le dos, mais c'est cool. Tu sais, chaque jour les petites demandes, c'est quand tu vas revenir. Sans toi, la famille a le blues, mais faudra tenir. En fait, j'ai donné tes pépettes à Stalingrad. Là-bas, t'enverras Mamadou, aller lécher tout. Frérot, une vraie galère de récupérer tes sous. En tout cas, où tu écartes, t'es la nouvelle star, tu les as rendus fous. Y'a trop l'eau qui m'a demandé des news. J'ai dit, je sais pas où t'es. Oublie, à cause d'elle, ils se font tous carotter. Putain, frère, fais chier. Quand je repense à toute cette merde, ça en valait pas la peine. Si seulement cette bastos n'avait pas été la tienne. Merde, quelle galère, quelle galère. Le daron est parti voir leur famille pour s'excuser. Ils l'ont dit qu'il le serait dès que la popo t'aurait retrouvé. Mais à mort, ça se comprend. Bon, attends, y'a le poteau qui veut te les parer et je te reprends. Ouais, allô, allô, allô, allô, allô, capte pas, on dirait. Allô, allô. Allô, Poto, DRY avec toi, ça va gros? Bien ou quoi? T'inquiète, y'a du bif pour la Valka, frérot. L'ambiance est paro depuis le drame de l'autre soir. Les incouts du mec sont venus me faire des menaces, des histoires. Mais je les pèse, eux et ces bâtards de Kisdé. Le ghetto est touché car trop de poucas vont tousser. Briser ma puce patate, est-ce qu'ils vendent les RG? Je fais belek à Watt car c'est danger. Frérot, écoute-moi, poto, j'ai pas eu le choix. Son Renoir faisait trop beau, bah j'ai taché sa veste en soie. Mais en soie, c'est pas une grosse perte, ta foule là y'a qu'en verdure. Que j'ai une grosse dette. Et toi, ça va, je crois que je t'ai mis dans un bourbier. Dis aux autres de rester pépère, faut se faire oublier. Ici les sous partent à toute vitesse. Je suis parti en balle en oubliant de vider toutes les caisses. La meuf dit quoi? Voilà, c'est pas une pute. Il jouait du violon comme moi, je lui jouais de la flûte. La mort avant le déshonneur, j'ai dû prendre la poudre des scampettes. J'avais le somme en mode pride compète. Une bête de tâche sur mon CV. J'arrête pas d'appeler mes frelons façon PCV. Sur le dos, le poids d'un mec décédé. J'ai sauté dans le premier avion en partance de CDG. Mets un grec dans une enveloppe quand tu m'écris. J'suis chelou ici, j'ai la chasse et puis j'ai maigri. Salam, adjo aux deux jumeaux d'intouchables. Et Inch'Allah, je rentrerai quand tout sera stable. Donne des nouvelles, envoie de l'oseille. Prends soin d'elle, t'as le salam de Ben Laden. C'est la merde, frérot. J'suis loin de chez moi à cause d'un vieux négro. Je jure, attends, c'est bon? Ouais, gros. Ouais, c'est le frérot au téléphone là. Ok, j'arrive, poteau. Frère, comment ça va? Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Au quartier, toujours la même, à part les embrouilles, ça change pas. Tu te rappelles dans la bac, quand ça se pointait, qu'on se marrait, qu'on matait des DVD, quand à sa tente ça débarquait. Je sais, tout ton dur est loin des siens, ça fait mal, le monde de thunes, la solitude. T'accompagnes dans une cavale, t'inquiète, sors un dit, je prends des thunes et je te mets bien. Inch'Allah, on se reverra, en attendant, prends soin de toi. Waouh! Ok, frérot. Ouais, frérot. Oh, vas-y, hein, mon gros, tiens bon. Vas-y, à bientôt. Hein. Passe le salam à tout le monde. T'inquiète. Passe voir la famille ou pas. Envoyer des pépettes. On s'en occupe. Passe le salam à tous les autres. Hakim, tout ça. Ok, prends soin de toi. Ouais, ouais, merci, poto. Vas-y, on s'organise. On se rappelle plus tard. On se rappelle. Vas-y, salut, frérot.